Bonjour, je suis Jean-François Lipout, donc je suis président de l'association ASPRO PNPP, la reconnaissance des pesticides, des alternatives aux pesticides plutôt. Et en même temps, je suis horticulteur et je ne suis pas primé PAC. Voilà. Donc je tenais quand même à dire que les chiffres à quelques heures près que j'ai, c'est qu'il y a un suicide dans le monde agricole tous les deux jours. C'est quand même grave, c'est-à-dire qu'il y a un gros mal-être. Alors non seulement, bon, si on part des PAC, je pense que d'être payé alors que l'argent ne correspond pas forcément à un travail donné, c'est pas toujours bien accepté dans la tête de chacun. Après, l'utilisation des pesticides, la PAC oublie, ça a été déjà mentionné, les secteurs forts créateurs d'emplois, horticulture, fruits et légumes, et aussi forts utilisateurs de pesticides. Si vous regardez cette année, 32 traitements sur la pomme, la fraise, c'est entre 3 et 6 000 euros de phytohectare. Bon appétit, mais cela dit, maintenant, beaucoup de paysans ne mangent même plus leur production. Donc ça, c'est très grave. Alors, je vais être très court. Depuis 7 ans, le ministère de l'Agriculture... Il y a des possibilités, il n'y a pas que la PAC. On s'en remet toujours à l'Europe, mais j'espère quand même que les lois... et on gouverne encore en France. Il n'y a pas que la PAC, mais quand même, les alternatives ont été interdites. Purin d'ortie, vinaigre blanc en 2006. La loi sur l'eau a dit que ce n'était pas des pesticides, ça devait être autorisé. Ça fait 7 ans que la DGAL, donc le ministère de l'Agriculture... bloque tous ces trucs-là. Il y a énormément de demandes, et ce n'est pas que du bio, beaucoup de gens qui utilisent des pesticides qui voudraient des alternatives. Alors là, je m'adresse aux élus, il y a la loi d'avenir agricole qui est là, elle a le premier G a encore oublié les alternatives aux pesticides, chape de plomb. Bon, on espère quand même que ça va ressortir. Permettez au moins, donnez-nous le choix, laissez au moins un peu d'autonomie aux paysans et le droit d'utiliser des alternatives. Je pense que on voit les conflits d'intérêts au ministère de l'Agriculture, c'est incroyable ce qui se passe. Mais en attendant, rassurez-vous, les vendeurs de pesticides ont encore des beaux jours devant eux, mais au moins laissez-nous le choix. Merci. François Jacquin, je travaille à l'inspection de l'enseignement agricole en agronomie. J'ai une question qui s'adresse à tous les intervenants, et plus spécifiquement ceux qui ont souligné l'importance de la formation dans les évolutions futures. Et en ce moment, on est en train de rénover certains diplômes, dont le BTS analyse et conduit des systèmes d'exploitation qui conduit à l'installation. Donc je demanderai aux intervenants, peut-être à Philippe Coutan et Madame De Vienne, qui ont évoqué ce sujet-là de... Voilà, qu'est-ce qu'il faudrait faire passer en priorité dans les programmes de ces diplômes? Oui. Ah. Oui, merci. Pierre-François Vaquier, donc de la Fédération nationale des CUMA. Donc les CUMA, c'est 11 500 coopératives de proximité de services, 20 adhérents en moyenne. C'est aussi des groupes de développement potentiel. Ma question, c'est sur la prise en compte du collectif. On a beaucoup parlé de l'intérêt du collectif, mutualisation du risque, appropriation de pratiques, investissement partagé, temps, emploi partagé, enfin, tout l'intérêt du collectif par rapport aux modifications des pratiques. Et j'ai quand même l'impression que ce collectif n'est pas pris en compte. Si je prends par exemple les questions de prise en compte du collectif par la recherche, on étudie l'exploitation agricole, mais est-ce qu'on étudie aujourd'hui la coopération entre agriculteurs autour de la production ? À ma connaissance, je n'ai pas l'impression. Si je prends les questions de développement et de formation, on forme des conseillers. On forme des conseillers pour faire des profils culturaux. Mais est-ce qu'on forme des animateurs pour animer des groupes d'agriculteurs pour ensemble modifier leurs pratiques? Je n'ai pas l'impression. Et si je prends les politiques publiques par rapport aux investissements, pour moi, c'est un peu catastrophique. Aujourd'hui, la part dédiée dans le budget du ministère de l'Agriculture par rapport aux investissements collectifs, c'est epsilon. Et quand j'ai entendu monsieur Bazin parler aujourd'hui de la réforme de la PAC, il n'y a quasiment plus rien sur la modernisation. Ça veut dire qu'il n'y a quasiment plus rien pour accompagner des démarches collectives en termes d'investissement. On va avoir des MAE au niveau de 4 agriculteurs pour acheter 4 RC-tries. Ça serait plus judicieux d'aider une CUMA ou un groupe d'agriculteurs, quelle que soit sa forme, pour acheter une seule RC-tree. Alors, je m'appelle Karen Serre, je suis présidente de TRAM. Alors, dans TRAM, nous avons la Fédération des groupes de développement. Donc, ça rappelle quelque chose à certaines personnes. Donc, L'écuma vient de parler, effectivement, c'est des groupements d'achat, l'écuma. Effectivement, les groupes de développement agricole existent depuis longtemps. Et aujourd'hui, on se pose la question si enfin on va reconnaître l'utilité de ce que j'appelle l'énergie montante. L'énergie montante, un peu comme l'herbe, pousse à partir du sol et monte. Alors, bien sûr, nous avons des gens très savants, quelqu'un de l'INRA et un professeur de Belgique, mais est-ce que on ne doit pas donner davantage d'intérêt, et je vois bien que M. Hervieux est avec nous et les GI2E, c'est un peu sur la table, mais est-ce qu'on ne doit pas enfin avoir une oreille attentive pour dire que le lieu où l'innovation se crée, c'est dans les petits groupes d'agriculteurs autonomes et indépendants qui osent inventer des choses nouvelles, qui osent entre eux trouver des nouvelles solutions. J'ai bien noté, je n'ai pas noté le nom, mais une des personnes autour de la table ronde a dit que c'était impossible de changer tout seul et qu'il fallait être en groupe pour oser justement changer de pratique. Donc, est-ce que là, il n'y a pas quelque chose à faire? Ça passe peut-être pas uniquement par des institutions déjà en place, mais au contraire pour aider les petits groupes indépendants qui osent faire ce qui n'a jamais été fait. Et sans critiquer les grands savants, est-ce qu'on ne doit pas un peu inverser les rôles et dire que c'est des agriculteurs entre eux qui pourront faire autant la recherche que Paris? Oui, Jean-Marie Le Boiteux, je suis secrétaire général du SNETAP, qui est le syndicat majoritaire de l'enseignement agricole public. Et je voulais intervenir, alors sans revenir sur tout le fond du débat, parce qu'on le partage, hein, sur la nécessité d'orienter l'agriculture vers d'autres modèles que ceux qui ont été dominants depuis très longtemps. Et à ce titre-là, les différentes interventions étaient très éclairantes, notamment les témoignages d'agriculteurs qui se sont lancés dans autre chose. Mais on a beaucoup parlé des politiques publiques. Et moi, ce que je voulais dire quand même, c'est qu'une des politiques publiques qui est à même de faire évoluer l'agriculture, ça a été souligné. Comme monsieur disait, je suis sorti avec une brillante éducation, mais je n'ai plus que me lancer dans ce qui était fait auparavant. C'est effectivement un des défauts, et nous, on plaide justement pour que l'enseignement agricole joue un rôle moteur. Et en particulier, dans l'enseignement agricole public, on parlait tout à l'heure de fermes de 3000 ou 7000 hectares. La première ferme de France, c'est la ferme, c'est les exploitations des établissements d'enseignement agricole public qui représentent 30 000 hectares. Mais ça, ça doit être utilisé comme un outil pour montrer qu'il peut y avoir d'autres modèles de production que ceux qu'on a voulu prôner depuis des années. Et je terminerai simplement en disant, tout le combat qu'on est en train de mener aujourd'hui, c'est de dire profitons d'une loi pour l'avenir de l'agriculture dans laquelle on nous dit qu'on veut changer les modèles agricoles et les faire évoluer, faire produisons autrement. Ben chiche, mais sauf qu'il faut être beaucoup moins timide, parce que franchement, nous on l'a vu, le projet de loi, et notamment le titre 4 qui porte sur l'enseignement agricole, il est particulièrement timide et totalement insignifiant. Alors on est ici dans les enceintes de l'Assemblée nationale, moi j'invite, puisqu'il y en a dans la salle, les députés, mais aussi, je sais qu'il y a des sénateurs, à faire en sorte que le projet de loi sur ce point-là évolue beaucoup. Excuse-moi, je m'appelle Dominique Danse, alors je suis ingénieur agro de formation, donc j'ai fait de l'enseignement agricole, j'ai été responsable d'une exploitation, j'ai fait de la gestion de moyens, et actuellement je travaille à la mission liaison et coordination pour l'Outre-mer au ministère de l'Agriculture, donc je vais vous faire un peu balader. Mais ma question, elle concerne les évaluations, la culture de l'évaluation. Parce qu'actuellement, on est en train d'évaluer le plan banane durable, les soutiens au sucre, les soutiens à ceci. Enfin bref, tout le monde est en train d'y passer. Et j'entends dire qu'il faut repartir écouter la base. Ce matin, on écoutait les représentants des sucreries de la Réunion, de l'île de la Réunion. Je ne suis pas sûre que ce soit les gens à écouter en plus, le plus. Donc le problème, c'est aussi comment on peut faire s'exprimer la parole des gens qui ne sont pas ce que tu appelais les corps intermédiaires, ou je ne sais pas, les représentants capitalistes, enfin vous y mettez tous les noms que vous voulez, ceux qui ont des intérêts à effectivement avoir le plus d'argent possible, et par contre pas se poser de questions sociales. Donc moi je suis très embêtée, parce que quand je prends les critères d'évaluation qu'on retient pour toutes ces études, On n'a pas grand-chose, il n'y a pas eu l'intégration dans le travail qui est fait par le ministère, enfin, sans que je veuille être critique, sur ces aspects-là. Et moi, ça me paraît important. Je voulais aussi donner une information, je sais bien que la politique agricole commune version DOM, RUP, ce n'est pas la culture partagée, mais il y a une consultation publique qui est actuellement lancée par la Commission européenne, par la DG Agri sur ces sujets-là. Ça serait intéressant que, justement, les gens s'en saisissent un petit peu. Bon, les délais sont très courts, je crois, ces réponses d'ici le 12 novembre. Mais je crois qu'il y a des questions évaluatives très intéressantes sur le modèle d'agriculture qu'on veut défendre. Et je pense que ce serait bien peut-être qu'il puisse y avoir une réflexion à la fois des organismes agricoles et puis aussi de la société civile, parce que nous, on est juste un bureau technique. Voilà. Mais enfin, les bananiers vont très bien et les sucriers attendent qu'une chose, c'est récupérer leur désherbant. Intervention. Ensuite, je vous propose qu'on entende des réactions aussi des députés qui sont présents ici. Donc, peut-être une dernière intervention de Véronique Villain. Oui, Véronique Villain. Donc, j'avais une petite question d'ordre sur le fond de ce que nous ont dit tout à l'heure Sophie Devienne et Monsieur Bazin. Vous avez parlé l'un et l'autre de la question de sécuriser les revenus, où vous nous avez dit. Sophie nous a dit sécuriser les revenus, c'est ça qui fait que les gens investissent dans de l'agrandissement. Et sur le papier de Gilles Bazin, sécuriser les revenus pour consolider une agriculture diversifiée. Donc j'aimerais bien si vous pouviez nous préciser un petit peu qui il faut qu'on croie, nous, ce soir, parce que vous êtes chercheurs tous les deux. On vous reconnaît tous les deux dans vos travaux. Et sur ce message-là, on ne sait pas aujourd'hui si c'est intéressant de sécuriser le revenu ou pas. Alors, juste une parenthèse quand même, parce que la soirée passe et je ne voudrais quand même pas qu'on se quitte sans avoir fait état du fait que les décisions sur la question de la politique agricole, aujourd'hui, elles sont prises, elles sont mal prises, et c'est très gênant, parce qu'on est à une période où on pouvait espérer des choses. Il y avait un potentiel de, on va dire, de 100. Aujourd'hui, on a peut-être avancé de 5, donc ce n'est pas brillant du tout. Et voilà, donc quand on est militant pour un changement de pratique agricole, aujourd'hui, on est complètement consterné. Et je pense que, sincèrement, il ne faut vraiment pas rêver sur la loi d'avenir. Moi, je veux bien, les députés, vous allez vous en occuper, j'espère que vous allez vous bagarrer. Mais on ne peut pas imaginer qu'on va renverser la tendance aujourd'hui avec une simple loi d'avenir dont les attendus vont être intéressants, mais sur le fond, il y aura, comme d'habitude, rien. Donc, à un moment, moi, la question que je pose aujourd'hui, c'est comment est-ce qu'on fait pour changer le fond des choses ? C'est vraiment un problème culturel et un problème de courage politique. Et aujourd'hui, ce courage-là, personne ne l'a. Voilà. Merci. Donc, je vous laisse la parole. Voilà. Ça fait une bonne transition, donc je vous...